Pipi caca poil, voile. Pipi caca poil, voile. Pipi caca poil, voile. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ça et là, dans la rue, on marche pour un bout de tissu. Faites valoir tous vos droits, dit l'ayatollah. Voilà, voilà. Caca voile, voile. Pipi caca poil, voile. Pipi caca poil, voile. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Chacun veut porter ce qu'il veut, conformément à son Dieu. Du poil sous les aisselles, une robe.